Seconde Pierre chapitre 2. Mais comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs, qui introduiront secrètement des sectes de perdition, et qui renieront le Seigneur qui les a rachetés, attirant sur eux-mêmes une prompte ruine. Et plusieurs suivront leur secte de perdition, et à cause d'eux la voie de la vérité sera blasphémée. Car ils feront par avarice trafic de vous avec des paroles déguisées, mais la condamnation qui leur est destinée depuis longtemps, ne tarde point, et leur punition ne s'endort point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les ayant précipités dans l'abîme, chargés des chaînes d'obscurité, les a livrés pour être réservés au jugement. Et s'il n'a point épargné le monde ancien, mais a gardé Noé, lui huitième, qui était le prédicateur de la justice, et a fait venir le déluge sur le monde des impies. Et s'il a condamné à un renversement total, les villes de Sodome et de Gomorre, les réduisant en cendres, et les mettant pour être un exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété. Et s'il a délivré le juste Lot, qui avait eu beaucoup à souffrir de ces abominables par leur infâme conduite. Car cet homme juste, qui demeurait parmi eux, les voyant et les entendant, affligeait tous les jours son âme juste, à cause de leur méchante action. Le Seigneur sait ainsi délivrer de la tentation ceux qui l'honorent, et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Principalement ceux qui suivent les mouvements de la chair dans la passion de l'impureté, et qui méprisent la domination, gens audacieux, à donner à leur sens, et qui ne craignent point de blâmer les dignités. Au lieu que les anges, quoiqu'ils soient plus grands en force et en puissance, ne prononcent point contre elles de sentence injurieuse devant le Seigneur. Mais ceux-ci, semblables à des bêtes brutes qui suivent leur sensualité, et qui sont faites pour être prises et détruites, blâmant ceux qu'ils n'entendent point, périront par leur propre corruption, et ils recevront la récompense de leur iniquité. Ils aiment à être tous les jours dans les délices. Se sont détachés des souillures, et ils font leurs délices de leur tromperie dans les repas qu'ils font avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère, ils ne cessent jamais de pécher, ils attirent les âmes mal assurées, ils ont le cœur exercé dans les rapines, ce sont des enfants de malédiction. Qui, ayant laissé le droit chemin, se sont égarés, et ont suivi le train de Balaam, fils de Bozor, qui aima le salaire d'iniquité, mais il fut repris de son injustice. Car une ânesse muette, parlant d'une voix humaine, réprima la folie du prophète. Ce sont des fontaines sans eau, et des nuées agitées par le tourbillon, et des gens à qui l'obscurité des ténèbres est réservée éternellement. Car en prononçant des discours fort enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, et par leurs impudicités, ceux qui s'étaient véritablement retirés de ceux qui vivent dans l'erreur, leur promettant la liberté, quoiqu'ils soient eux-mêmes esclaves de la corruption, car on est réduit dans la servitude de celui par qui on est vaincu. Parce que, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, toutefois étant de nouveau enveloppés par elle, ils en sont surmontés, leur dernière condition est pire que la première. Car il leur eût mieux valu n'avoir pas connu la voie de la justice, qu'après l'avoir connue de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable, leur est arrivé, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie l'avait retourné se vautrer dans le bourbier.